On va parler de demi-marathon. C'était l'ouverture en fin de semaine, le 5, c'est samedi, du premier demi-marathon qui devait avoir lieu il y a 2 ans. Quoi qu'il en soit, ça va se faire cette année. Premier demi-marathon qui va se faire entre Saint-Jean-d'Arc et Dolboum-Sicily. On en parle avec le responsable Gilles Bouchard. Salut Gilles! Salut! Gilles, c'était évidemment le COVID a fait changer beaucoup de choses. Sauf que là, maintenant, normalement, si tout va bien, ça devrait bien aller, il y aura une première édition cette année. Oui, c'est sûr que si le ciel ne nous tombe pas sur la terre, on devrait être correct. Là, j'espère qu'on va être correct. C'est à moins que la COVID sorte de colle en fou. Non, là. Non, non. Faut pas, là. Je pensais pas. Non, on devrait être correct. En tout cas, on a une bonne confiance, là. OK. Donc, comment ça a été, finalement? Comment ça a été les premières inscriptions? Ben nous autres, suite à l'annulation qu'on avait faite au début, là, en 2020, là, on était supposé de le faire, puis on avait beaucoup d'inscriptions de rentrée. Fait qu'il y a beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des transferts, il y en a qui ont fait des dons. Mmh. Fait que pour finalement, nous autres, avant d'ouvrir les inscriptions, on avait presque déjà 80 confirmés, là. Okay. Avant d'ouvrir les inscriptions samedi. OK. Donc, déjà 80 confirmés, puis que c'est quoi la limite? Y a-tu une limite? Oui, nous autres, on voulait se limiter à 250, là, parce que ça va être la première édition, tu sais, on n'a pas de background encore comment ça va se passer, ça fait qu'on veut se limiter pour pas trop avoir de monde. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça va se faire toujours entre Saint-Jean-d'Arc et Dolboum-Sicily, c'est la piste cyclable, c'est ça? Exact. Okay. Oui, oui. On part du centre communautaire à Saint-Jean-d'Arc. On va faire un bout... On va faire environ un kilomètre et demi dans le village Saint-Jean-d'Arc. Après ça, on va prendre la piste. OK. Okay. C'est ça. Donc, tu en as 80, là, avec les 2 jours de fête, comment tu en as? Comment vous en avez actuellement de ramassé? Ben là, on est aux alentours à peu près de 160 d'inscriptions de fête, là, de haut. OK. Donc, c'est déjà bon. Va-t-il avoir des représentations de fête? Ben, c'est la limite de 250. Mettons qu'il y a 200 participants, on va y aller de même, puis c'est tout. Oh oui, ben c'est sûr. C'est sûr que si on saute pas le 200, on va y aller à 200, là. Mais nous autres, on s'est fixé comme objectif là, 250, là. Mais on espère l'atteindre, mais c'est pas une garantie, là. OK. Vous êtes en collaboration avec le Club du Mille, vous êtes en collaboration avec d'autres clubs, ben c'est une association complètement à part qui fait ça? Non, c'est complètement à part, mais sauf que le Club du Mille, après ça, le Club de triathlon, le Club cycliste de Boum-Sassini, ils vont nous donner un coup de main là au niveau des ravitaillements. Okay. Puis tu sais, ils vont nous aider là pour la journée du marathon, du demi, ils vont nous aider. Les bourses sont combien? Vont-tu être intéressantes? Ils vont-tu être Non, il n'y a pas de bourse là. Okay. C'est pas une course officielle là, pour battre des records. C'est vraiment seulement là pour faire un test et ainsi de suite. C'est ça, pour le plaisir, là, parce qu'il n'y a pas de points rattachés à ça. Okay. On fait pas partie d'aucun circuit. Là. C'est la première édition qu'on va faire, puis on n'est pas attaché à aucun circuit. Là. Donc, vous n'avez pas lié avec le club Jacquot, puis ainsi de suite, là, qui est régional? Là. Non, on n'est pas avec le circuit Autocar Janois, on n'est pas là-dedans. Là. OK. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, Gilles, on va à quel numéro, puis on y va par... J'imagine qu'il y a une page Facebook, il y a un site Internet, il y a un numéro de téléphone, donc, et comment ça coûte? Ben, c'est ça, il y a une page Internet, là, demi-marathon.com, là, demi-marathon-desjardins.com, puis tout est expliqué là-dessus, ça coûte 50$ pour l'inscription, puis l'inscription, ben, ça comprend un dossard avec un maillot, puis après ça, un petit goûter à l'arrivée, puis après ça, un beau circuit complètement sécuritaire. OK. Donc, ben merci beaucoup, Gilles. On se reparle bientôt. OK, merci. Anthony Gilles Bouchard, tu t'occupes du demi-marathon qui sera présenté le 5 mai à Dolboum.